Bonjour, je suis le professeur Daniel Thomas, cardiologue. Je suis ancien président de la Fédération française de cardiologie et nous allons aujourd'hui parler du tabac qui est un facteur primordial dans la prévention cardiovasculaire. Un cœur qui va, la vie qui bat. Une série de podcasts de la Fédération française de cardiologie à retrouver sur toutes les plateformes et sur www.fedecardio.org. Si comme moi vous avez quelques heures de vol au compteur et que vous avez été à l'école primaire il y a quelques bonnes dizaines d'années bien tassées, vous avez sûrement appris que grammaticalement le masculin l'emporte sur le féminin. Et bien figurez-vous qu'en médecine c'est la même chose et c'est même désormais attesté par l'histoire des sciences. Le standard médical c'est le corps masculin, tandis que le corps féminin c'est le cas atypique. Il est même considéré comme physiologiquement pathologique. Errance diagnostique, essais cliniques réalisés majoritairement sur des sujets mâles, médecine androcentrée, comment en finir avec ce biais et arriver à une médecine égalitaire. Genre et santé, où sont les femmes ? C'est le programme biaisé qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour comprendre les mécanismes de cette injustice devant le fait médical et comment y remédier, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux des autrices du rapport « Prendre en compte le sexe et le genre pour mieux soigner un enjeu de santé publique », rapport remis le 15 décembre 2020 au Haut Conseil pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Catherine Vidal, bonjour. Bonjour. Vous êtes neurobiologiste, directrice de recherche honoraire à l'Institut Pasteur et membre du comité d'éthique de l'INSERM. Et Muriel Salle, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Lyon 1, historienne, agrégée et docteur en histoire contemporaine. Mais on commence par ce qu'il faut retenir de l'actualité scientifique du jour. Et c'est avec Natacha Trioux pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude qui va intéresser nos deux invités du jour, une étude parue dans la revue Cell avec l'identification d'un mécanisme épigénétique propre aux femmes qui est impliqué dans le développement de tumeurs agressives. Une équipe française s'est intéressée à la régulation du chromosome X chez la femme. Chez la femme, il y a deux chromosomes X, chez l'homme, il n'y en a qu'un seul. Et il existe un mécanisme de régulation pour que les gènes du chromosome X ne soient pas exprimés deux fois plus chez la femme que chez les hommes. Alors ce mécanisme, ça s'appelle l'inactivation du X. C'est-à-dire qu'un des deux chromosomes est rendu silencieux et les gènes ne sont plus utilisés. La façon dont ce chromosome va être rendu inactif, c'est par un ARN non codant, appelé XIST, qui va venir recouvrir le chromosome. Les chercheurs se sont demandé que se passe-t-il quand ce mécanisme de régulation ne fonctionne plus comme il devrait. En travaillant sur des tissus mammaires, les cellules du sein, ils ont montré que l'inactivation de XIST augmente l'agressivité des cancers. Cela pourrait expliquer pourquoi les hommes et les femmes ne sont pas à égalité sur certaines pathologies. Raphaël Margueron est chef d'équipe à l'Institut Curie, dans une unité affiliée à l'INSERM au CNRS. Il est l'auteur de cette étude. Donc, alors, in vivo, nous, on a utilisé des outils d'édition du génome pour inactiver, pour rendre inutilisable cet ARN non codant dans des lignées de tissus mammaires. Et nos collaborateurs à Marseille ont réintroduit ces cellules modifiées dans un contexte de murin de tissu mammaire et ont regardé l'effet que ça avait sur la différenciation. Et ils ont pu confirmer les résultats sur des lignées cellulaires. Donc la perte de XIST entraîne la réactivation d'un sous-ensemble de gènes présents sur le chromosome X qui était préalablement inactivé. Et dans ce sous-ensemble de gènes, il y en a qui sont très importants pour la régulation globale de l'expression des gènes dans une cellule. Et donc ça va changer l'identité des cellules et ça va favoriser un état moins différencié. Alors c'est important en termes de développement, mais c'est aussi très important en termes de pathologie, parce que ce qu'on a pu montrer, c'est que lorsqu'on induisait la transformation tumorale de ces cellules, ça favorisait une forme plus agressive de cancer. On se rend compte que la perte de XIST est quelque chose d'assez fréquent dans les formes les plus agressives de cancer du sein. Donc ça, c'est ce qu'on observe a posteriori, et nous, ce qu'on a observé dans nos modèles cellulaires, c'est que quand une inactive existe, on favorise une transformation vers des formes plus agressives de cancer. Il n'y a pas de perspective thérapeutique directe parce qu'on n'a pas de moyen de restaurer l'expression de GVIST, mais il y a des perspectives thérapeutiques à plus long terme d'utiliser l'expression ou le niveau d'expression de GVIST comme un biomarqueur, c'est-à-dire pour orienter vers l'utilisation d'autres thérapies. Les résultats qu'on a eus, c'est principalement dans les tissus mammaires, donc là, il y a un biais de genre logique, même si le cancer du sein existe aussi chez les hommes, mais il est probable que nos résultats pourraient se retrouver dans d'autres types cellulaires. Et c'est des perspectives qu'on souhaiterait creuser, en particulier dans le système immunitaire, où on sait qu'il y a certaines pathologies qui affectent plus fréquemment les femmes que les hommes. Voilà, je vais demander dans un instant, dans quelques secondes à mes deux invités, une réaction, parce que c'est intéressant justement qu'on en arrive aujourd'hui à cette médecine différenciée. Et puis si vous voulez retrouver comme chaque jour le texte intégral de l'étude, vous pouvez le retrouver sur notre fil Twitter, @laméthodefc, ainsi que sur la page de l'émission sur franceculture.fr. On passe au bref. Contre la grippe aviaire, l'Union européenne s'oriente vers la vaccination des élevages. Oui, l'Europe est actuellement frappée par une épidémie de grippe aviaire la plus grave de son histoire. En France, depuis décembre, 16 millions d'animaux ont été abattus. Pour le moment, face à ce virus, nous n'avons comme moyen de protection que le confinement des élevages ou leur abattage massif. Mardi, les ministres européens de l'agriculture se sont réunis à Bruxelles. Selon un communiqué du Conseil de l'Union européenne, tous les ministres se sont mis d'accord pour développer une stratégie vaccinale à échelle européenne. En France, deux candidats vaccins sont déjà à l'essai sur des canards. L'Italie et la Hollande expérimentent des vaccins sur des poules et des dindes. Pour soigner la sclérodermie, l'Angleterre a réussi la première double greffe de main. Et à la mi-décembre 2021, un hôpital anglais a réalisé une double transplantation des mains. Le patient de 48 ans souffrait de sclérodermie, une maladie auto-immune rare qui, au stade terminal, déforme les doigts et les mains au point d'en perdre l'usage. Après une évaluation psychologique du patient et après avoir trouvé un donneur, les chirurgiens ont donc remplacé ses mains lors d'une opération de 12 heures qui a nécessité le travail de 30 professionnels. Aujourd'hui, la dextérité du patient est limitée, mais il peut à nouveau se resservir de ses mains. Et enfin, selon une étude parue hier dans la revue Nature, nous avons découvert des ruines archéologiques gigantesques en pleine jungle amazonienne. Et grâce à la technologie LIDAR, une technique de cartographie laser par survol, nous pouvons voir ce qui est caché sous le sol ou la végétation. Dans la forêt amazonienne, dans le nord de la Bolivie, une équipe allemande a analysé les données LIDAR qui ont couvert 4500 km sur une zone qui a appartenu à l'ancienne culture Kazarabé. Les chercheurs ont découvert une vingtaine de sites, dont la moitié était auparavant inconnue, des vestiges qui datent de 500 et de 1400 après notre ère. Les données LIDAR ont révélé une architecture civique et cérémonielle complexe, avec des plateformes en gradins, des monticules en forme de U et des pyramides coniques de 22 mètres de haut, mais aussi des infrastructures de gestion de l'eau faites de canaux et de réservoirs. Nous pensions que la forêt amazonienne était peu peuplée à l'époque précolombienne. Cette étude démontre l'inverse. Merci beaucoup Natacha, et à demain pour le journal des sciences de la semaine. Avant de nous lancer dans notre sujet du jour, peut-être Catherine Vidal ou Muriel Sade, une réaction justement à cette étude et à ce sujet du journal des sciences, où on avance précisément dans une médecine qui commence à être une médecine en tout cas différenciée, ou qui prend en compte des traits spécifiques, en l'occurrence génétiques, et qui affectent particulièrement les femmes et plus que les hommes. Ça veut dire qu'on va dans le bon sens par rapport à notre sujet du jour, Muriel Sade? C'est certainement de toute façon le signe qu'on va dans le bon sens, dans la mesure où l'accumulation de la connaissance est toujours une bonne nouvelle, surtout quand il s'agit d'améliorer les questions de santé. Cela étant dit, moi je suis toujours un petit peu partagée parce que vous l'avez dit à plusieurs reprises, on documente le fait que les femmes sont différentes des hommes, et ça pour la peine c'est pas du tout nouveau, et ça produit des choses qui sont très favorables, mais ça produit aussi parfois une tendance, on va dire, à surestimer ou à trop repérer ce qui fait la différence entre les hommes et les femmes, et du coup à produire des traitements différenciés qui n'ont pas que des conséquences positives. Je crois qu'on le verra tout à l'heure sur un certain nombre d'autres domaines de thérapeutiques. De la santé. Catherine Vidal, votre sentiment à ce propos? Mon sentiment, c'est qu'il faut vraiment encourager la recherche, d'une part la recherche fondamentale, essayer de comprendre, comme c'est ce que vous avez décrit dans cette étude, des mécanismes fondamentaux qui impliquent certains gènes, qui pourraient expliquer pourquoi certains types de cancers se développent différemment chez les femmes et chez les hommes. Donc il y a vraiment la nécessité d'un effort important en recherche fondamentale, mais également, bon là on est en train de parler des sciences dures, hein, de la biologie dure si j'ose dire, oui. Ne pas oublier que ce qu'on appelle la santé c'est aussi une affaire de société et qu'il faut aussi encourager les recherches en sciences humaines et sociales sur les aspects des facteurs sociaux, culturels et économiques qui vont aussi avoir des effets importants sur la santé et qu'il faut toujours mettre en interaction et les facteurs biologiques et les facteurs sociaux, culturels et économiques. C'est exactement ce dont il va être question avec vous deux, mesdames, tout au long de cette heure, puisque nous parlons des liens entre genre et santé. Et nous avons traité d'ailleurs de ce sujet à plusieurs reprises dans le Journal des Sciences, dans les vendredis d'actu. Enfin bref, c'est un sujet qui revient souvent parce que des études reviennent assez régulièrement. Et la dernière en date du 1er mai, une étude publiée dans The Journal of Clinical Oncology qui enfonce une fois de plus ce biais qui a été longtemps tu, mais qui est de plus en plus difficile à ignorer de la médecine contemporaine, à savoir effectivement en l'occurrence un problème lié aux effets secondaires des traitements anticancéreux. Une étude basée sur une cohorte de 23 300 patientes et patients qui ont été la cible de traitements anticancéreux. Un tiers de cette cohorte est féminin et cette étude conclut que les patientes présentent un risque accru de 34% de connaître des effets secondaires graves supplémentaires par rapport aux hommes, ce qui est évidemment assez gigantesque. Cette étude s'ajoute donc aux nombreuses autres qui démontrent que la médecine contemporaine a depuis ses débuts pris comme référent le corps masculin, comme standard, quand le corps féminin, lui, est considéré comme atypique ou exceptionnel. Or, cette conception a de nombreuses et graves conséquences, qu'il s'agisse d'erreurs diagnostiques, d'effets secondaires médicamenteux, de biais importants sur les essais cliniques. La prise de conscience de ce biais ne date pas d'hier. Écoutez plutôt cette archive qui est très parlante. Nous sommes dans l'heure de la culture française sur la radiodiffusion française en février 1968. Une maladie psychosomatique qui est typique de l'homme, c'est ce qu'on appelle l'ulcère de contrainte, que je crois tout le monde connaît, tout le monde en a entendu parler. C'est vraiment dû au sentiment qu'a la personne d'être coincée, de ne pas pouvoir se sortir d'une situation. Il est vraiment dans une espèce de cul-de-sac moral et il fait un ulcère. Mais ça, c'est vraiment la maladie de l'homme et qu'on trouve très souvent, justement, lorsque l'homme a des problèmes relationnels. Je ne veux pas dire d'arrivisme, parce que le mot n'est pas gentil, mais enfin des problèmes de position sociale. Et alors, à l'inverse, peut-être est-ce à cause de ma situation à l'hôpital, où je suis psychosomaticien dans un service d'endocrinologie et de gynécologie, alors évidemment je vois beaucoup de ces cas, donc je ne veux pas affirmer, je n'ai pas de statistiques. Mais j'ai l'impression que, donc, par comparaison au très grand nombre des ulcères de contrainte chez l'homme, la grande maladie psychosomatique de la femme est une maladie gynécologique. C'est une maladie qui va atteindre ses ovaires, son utérus, son système génital, beaucoup plus que tel autre système de l'organisme. La difficulté de la femme, sa difficulté d'être au monde, et qui est à l'origine de sa maladie psychosomatique considérée globalement, la met en cause en tant que femme sexualisée. Autrement dit, si vous voulez, j'ai l'impression que l'homme vit sa maladie sur un mode, je dirais alimentaire, pour ne pas employer de mot technique, alors que la femme vit sa difficulté sur un mode sexualisé. Voilà, Jacqueline Renaud, médecin attachée de médecine psychosomatique. Je vous laisse commenter cette archive. Nous sommes donc en 1968, Catherine Vidal. C'est éloquent. Oui. Et bon, si en 68 il y a eu quand même une certaine révolution dans les idées, manifestement ce n'était pas encore le cas dans ce service clinique, parce que bon, cette personne en fait relatait les visions qu'on se fait des maladies masculines et féminines. C'est une vision qui date du 19e siècle ou même d'avant. Heureusement, depuis, les choses ont évolué. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi, encore en 1968, quand même, faut le faire, on rabâchait les vieilles idées du 19e siècle. Et je pense que Muriel Salles peut peut-être nous éclairer là-dessus. Muriel Salles, votre réaction aussi, évidemment, on a choisi cette archive parce qu'elle paraissait aussi issue vraiment d'un autre temps où effectivement les affections masculines sont corporelles, les affections féminines sont évidemment liées au système génital ou à la sexualité. Alors moi j'aimerais beaucoup être d'accord avec vous en disant que c'est d'un autre temps. D'abord bon, je salue le choix de cette archive qui effectivement est très intéressante, qui est très révélatrice du fait que cette psychosomaticienne, elle est pétrie de stéréotypes, pour utiliser le terme approprié, stéréotypes qui renvoient hommes et femmes à des rôles sociaux qui sont définis et qui sont respectivement un rôle qui a quelque chose à voir avec la position sociale, je crois, cette expression elle l'utilise, et qui a à voir aussi avec le rôle de breadwinner, donc c'est celui qui gagne le pain, hein, le mode alimentaire, elle dit, voilà, donc, l'homme il est sur ce terrain-là, alors que les femmes elles sont effectivement perçues sur un mode sexualisé. Les femmes, elles se résument très souvent, et c'est souvent d'ailleurs ce qu'on observe quand on parle de la santé des femmes, elles se résument très souvent à leur santé sexuelle et reproductive, voilà, comme si le tout de la différence entre un homme et une femme, ça tenait effectivement à l'appareil génital. Je ne suis pas certaine qu'on puisse considérer qu'aujourd'hui ces idées-là ont complètement vécu, mais je crois qu'on va en donner plusieurs illustrations au fil de l'émission d'aujourd'hui. On va continuer à explorer justement ces inégalités, et on va commencer d'ailleurs tout de suite peut-être par se poser la question de leurs sources et de comprendre finalement et de voir aujourd'hui, puisque de nombreuses études l'attestent heureusement, comment bien la médecine s'est construite sur un corps masculin, et bien cette construction aujourd'hui produit de nombreux biais, de nombreuses conséquences tout à fait regrettables. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons donc de genre et de santé et d'inégalité, justement, devant la médecine entre les femmes et les hommes, en compagnie de Catherine Vidal et de Muriel Salles. Muriel Salles, justement, faisons un peu d'histoire. À partir de quand est-ce que l'on commence à se rendre compte que cette répartition entre le corps de l'homme, qui est le corps qui est étudié par la médecine, et le corps de la femme qui est pathologique, hein, puisque c'est comme ça qu'il est décrit, eh bien, que cette distinction est évidemment erronée et conduit la médecine dans de nombreux impasses. Alors, les premières critiques de la discipline médicale comme une discipline, on dit, androcentrée, hein, androcentrée dans ses discours et dans ses pratiques, ça veut dire, comme vous l'avez très bien dit en introduction, que le corps standard pour la médecine, c'est un corps masculin. Les premières critiques, elles émanent de la critique féministe des années 70. Hein, il y a toute une critique féministe des savoirs qui, entre autres, s'intéresse au domaine de la médecine et montre qu'effectivement, les standards diagnostiques, mais aussi les standards thérapeutiques, sont constitués de cette norme masculine et que, du coup, ça conduit soit à invisibiliser les femmes. Donc là, on les loupe carrément. On les voit pas, on les a longtemps pas inclus dans les essais cliniques, par exemple, soit à en donner une vision, mais pour renvoyer à l'archive qu'on vient d'écouter, une vision qui est centrée sur cette spécificité qui a l'air d'être l'exclusivité féminine, qui est leur appareil génital et leur fonction procréatrice. Donc la critique, elle émerge dans les années 70, mais elle va faire son chemin, si je puis dire, un petit peu doucement, hein, puisque c'est seulement au milieu des années 90 que l'Organisation mondiale de la santé, par exemple, s'est dotée d'un département qui s'appelle Femmes, Genre et Santé. Ça, c'est 95. Et puis, c'est seulement 2006 quand le Conseil de l'Europe souligne qu'il est important qu'il y ait une prise de conscience, c'est comme ça que le Conseil de l'Europe dit les choses, une prise de conscience parmi le grand public comme parmi les professionnels de santé, de la position centrale du genre parmi les déterminants de santé. Donc voilà, les critiques ont une quarantaine d'années, mais je pense que ce discours-là, il prend, on va dire, une importance, et surtout il commence à avoir un impact sur les savoirs et les pratiques médicales dans un passé finalement assez récent. Hein, le Haut Conseil à l'égalité, vous avez évoqué le rapport de tout à l'heure, c'est un rapport qui date de 2021, hein, qu'on a rendu en septembre dernier, mais là je parle sous le contrôle de Catherine, puisque nous avions collaboré collaboré à sa rédaction. On va en reparler tout à l'heure, hein, dans la deuxième partie de ce rapport, de ce qu'il y a à l'intérieur et de comment il peut justement influer pour changer un certain état des choses. Je pense que Catherine Vidal, on ne peut pas couper par quelques exemples très concrets. Moi, je dois dire que celui qui m'a le plus sidéré, parce que la médecine ait pris le corps masculin comme corps standard, que le corps féminin soit donc, encore une fois, décrit comme étant toujours atypique ou pathologique ou du domaine de l'exception. Je me souviens d'une étude que nous avions commentée ici qui montre que les biais remontent même jusqu'au stade animal, puisqu'on s'est rendu compte que dans les essais précliniques se faisait préférentiellement, et notamment sur le modèle murin, chez des souris mâles, et que donc il y avait un biais qui conduisait in fine et à la fin finalement des cycles d'essais cliniques sur des médicaments qui avaient des effets secondaires qui n'étaient finalement quasiment pas répertoriés et à un nombre dont je n'ai plus en tête mais que vous connaissez peut-être de manière vraiment extrêmement importante, c'est-à-dire que ce biais-là il va vraiment à la racine même de la recherche fondamentale quoi. Bon, je crois qu'il faut être très prudent sur cette question. Pas aller trop vite et pas trop faire de raccourcis dans les raisonnements. Tous les essais cliniques sont menés sur des sujets humains. Et tout ce qui concerne la tolérance, des effets secondaires, la toxicité, etc., tout ça est étudié chez des humains. On ne peut pas dire que parce que en recherche fondamentale sur des rats et des souris, dans certaines disciplines, on utilise davantage de mâles que de femelles, que c'est pour cela que dans les essais cliniques humains, il y a des différences qui seraient simplement le reflet de la recherche fondamentale chez l'animal. Pas du tout. Alors, excusez-moi Catherine Vidal, je suis désolé, je vais vous interrompre puisque je viens de retrouver l'étude date de 2017 et c'est une étude qui montrait qu'effectivement les rats mâles sont nettement plus utilisés que les femelles pour des raisons qui sont liées notamment bien effectivement au cycle reproductif de la femelle qui peut fausser ou qui pouvait penser en tout cas fausser une partie des essais et ça avait été montré sur l'analyse sur une méta-analyse de 2400 articles scientifiques dans lesquels 80% des chercheurs n'avaient fait appel qu'à des rats mâles, donc c'était quand même significatif. Non mais c'est pas du tout ça que j'ai essayé de dire. Pardon, non mais juste parce que j'avais pas la référence, donc vous demandiez de la précision. Voilà, je viens de retrouver l'étude en question. Non. Je mettais en garde le fait que on ne peut pas, à partir de données qui sont issues de l'expérimentation animale biomédicale en recherche fondamentale, on ne peut pas faire une extrapolation aux essais cliniques humains. Bon, ça c'est une première chose, parce que les essais cliniques humains sont basés dès le départ par des essais menés chez les humains. On ne passe pas directement d'essais d'expérimentation chez l'animal à ensuite des projections vers l'humain. Dans les aspects de recherche fondamentale, on étudie, ça s'appelle fondamental, hein, des mécanismes de base sur le fonctionnement, les différences de fonctionnement cellulaire, moléculaire, physiologique, psychologique. Enfin, il y a des tas d'études qui sont faites et effectivement, dans certains cas, il y a plus de mâles que de femelles qui sont utilisés dans ce type d'expérience. Mais en fait, tout dépend du type de questions qu'on se pose. Bon. Si on prend quelque chose de très concret, les maladies cardiovasculaires. Allons-y. Les maladies cardiovasculaires, bon, c'est un énorme sujet parce que justement, c'est la première cause de mortalité chez les femmes. Bon. Il faut remarquer que dans la recherche fondamentale, chez les rats et les souris, il n'existe pas, hélas, de modèle animal satisfaisant des maladies cardiovasculaires humaines. Parce que les maladies cardiovasculaires humaines, elles sont le reflet d'un certain nombre de facteurs liés au mode de vie, par exemple à l'obésité, à certaines des consommations de tabac et autres, des comorbidités, qui font que c'est la réalité d'une maladie cardiovasculaire humaine, elle doit se concevoir d'abord et avant tout dans un contexte humain. Et ce serait vraiment sympathique qu'on puisse mimer chez l'animal les maladies cardiovasculaires. Hélas, on ne peut pas le faire. Bon, d'un autre côté, un autre exemple. Vous voyez, c'est pour vous montrer qu'on peut faire une extrapolation trop rapide. Tout à fait. Non. Alors, bon, par ailleurs, les essais précliniques se font sur des modèles animaux. Et après les essais précliniques, on passe en essais cliniques de phase 1 sur l'être humain. Donc ça, c'est le trajet normal d'un essai pharmaceutique classique. Mais je crois que Muriel Salle voulait réagir sur cette histoire d'essais précliniques. Et moi, ce que je voulais montrer simplement, c'est que le biais va même au-delà justement de la simple différenciation qu'il peut y avoir entre les êtres humains femelles et hommes, mais que ça remontait même pour des raisons qui sont communes d'ailleurs, c'est-à-dire que la justification pendant longtemps, y compris sur des essais cliniques humains, était de dire on teste moins les femmes parce que, à cause de leurs cycles hormonaux et à cause des problèmes de grossesse, etc., ce sont finalement des cobayes moins fiables que ne le seraient les hommes, qui sont plus stables que les femmes. Ça a été en tout cas longtemps l'argumentaire qu'on a pu entendre pour justifier cette distinction. Muriel Salle. Oui, alors effectivement, moi, c'est ce que je trouvais très intéressant dans votre question, c'est que ça renvoie au fait que c'est Françoise Héritier qui dit les choses comme ça, ça renvoie au fait qu'elle dit l'observation de la différence des sexes est au fondement de toute pensée. Et alors, en matière médicale comme dans tout autre domaine, ça veut dire qu'on a beaucoup de mal à penser autrement qu'en distinguant comme ça hommes et femmes, y compris quand on en vient aux rats, où Catherine l'a bien dit, il y a quand même des différences très considérables entre les rats, les rats et les êtres humains. Mais cela dit, il y a quand même, pour dire les choses rapidement, quelque chose de révélateur, on va dire, d'un imaginaire commun. C'est-à-dire que pourquoi des rats plutôt que des rats ? Parce que les rats sont comme les femmes, des organismes, vous l'avez dit, qui sont réputés plus complexes. Et le terme important, là, vous l'aurez compris dans ma phrase, c'est réputé. Parce que on se dit, les cycles hormonaux, ça complexifie les choses et ça a des conséquences fortes. Alors, il y a aussi tout l'argumentaire lié à des aspects d'éthique. On a aussi beaucoup craint pour ce qui est de l'expérimentation sur les êtres humains d'exposer les femmes enceintes à un certain nombre de molécules parce qu'il y a eu des scandales quand même. La thalidomide, le distilbène ont marqué les esprits. Mais au-delà de ça, il y a vraiment c'est le terme auquel je tiens, cet imaginaire, les femmes, c'est plus compliqué. Et en fait, ce qu'on peut s'attacher à montrer quand on fait un peu d'histoire de la pensée médicale, c'est que les femmes, elles sont construites comme plus compliquées par des discours médicaux parce qu'en fait, elles sont pensées en deuxième intention. Elles sont toujours pensées comme étant l'exception. Et vous avez parlé grammaire au début. Je pense qu'on va tous s'accorder à dire que c'est plus compliqué de retenir les exceptions que d'apprendre la règle. Et ce qui vaut pour la grammaire vaut aussi pour la médecine, quoi. Et puis on a évidemment, comme l'évoquait Catherine Vidal à l'instant, des cas très concrets qui sont aujourd'hui relativement bien documentés. Celui notamment, vous en parliez Catherine Vidal, des maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité des femmes dans le monde devant le cancer du sein et extrêmement mal prise en charge chez les femmes. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas. Vous êtes rendu dans le service de cardiologie de l'hôpital Lariboisière à Paris pour voir comment se fait le parcours de soins. Et oui, la cardiologue Stéphane Manzo-Silbermann s'attelle à mieux traiter l'infarctus du myocarde chez la femme jeune, c'est-à-dire en dessous de 60 ans. Mais le diagnostic est compliqué car les femmes présentent des symptômes moins stéréotypés et différents des signaux masculins qui, eux, servent encore de référence. Par conséquent, il faut améliorer, adapter les méthodes de détection pour les femmes et en particulier l'imagerie médicale. Alors c'est une étude qui a été prospective, multicentrique. Nous avons 28 centres qui ont participé, 28 centres avec une activité interventionnelle, qui ont inclus de manière prospective donc et exhaustive l'ensemble des femmes de moins de 50 ans, entre 18 et 50 ans, qui présentaient un infarctus du myocarde chez la patiente. On parle du problème de diagnostic parce que peut-être qu'il y a certains signaux qui sont moins évidents ou moins faciles à détecter. Quels sont les marqueurs intéressants que vous surveillez ? Alors dans la présentation clinique, ce qu'on retrouve, c'est que dans 70% des cas, il existe une douleur dans la poitrine. Donc ça, c'est un symptôme classique ? Classique, exactement. Les différences que l'on a pu observer, et comme dans les autres études, c'est que chez les femmes, notamment les femmes plus jeunes, il y a une propension à présenter d'autres signes associés, beaucoup plus que chez un homme du même âge. Et aussi plus de risques d'être dans ces 30% d'absence de douleur dans la poitrine. C'est ce qu'on appelle les signaux atypiques ou... Exactement. Alors, c'est atypique parce qu'initialement, la maladie coronaire a été décrite dans une population masculine. Donc, c'est des signes que je préfère appeler associés, qui peuvent être nausées, vomissements, douleurs dorsales, sensations de faiblesse. C'est une symptomatologie qui est très bien décrite par les patientes comme étant inhabituelle. Alors, dans votre service, comment se passe le parcours de soins? Alors, le parcours des patientes, lorsqu'il y a une douleur thoracique brutale, inhabituelle, la seule priorité, c'est de rouvrir l'artère. Et c'est le message très important, c'est le parcours patient doit commencer par le SAMU, l'appel du 15. Donc, ces patientes sont prises en charge par le SAMU, qui va se déplacer, réaliser un électrocardiogramme, confirmer l'anomalie par l'examen clinique, les signes électrocardiographiques, et ensuite adresser, transporter la patiente directement en salle de coronarographie afin de visualiser les artères coronaires, visualiser l'obstruction et, le cas échéant, rouvrir l'artère qui a été bouchée. Mais parfois, chez une femme jeune, l'artère n'est pas totalement bouchée, et ça c'est une autre spécificité chez les femmes les plus jeunes, il y a jusqu'à 15-20% d'absence d'occlusion complète de l'artère. Ça ne veut pas dire que les artères sont saines, mais c'est une maladie coronaire sans obstruction. Donc il faut l'identifier, il faut en poser le diagnostic, que ce soit par de l'imagerie endocoronaire, par des imageries complémentaires dans les jours qui vont suivre, par des IRM, pour poser un diagnostic précis et adapter le traitement. Donc le parcours patient, on en revenait. Donc là, au bout, vous avez le service des urgences. Et donc les patients arrivent par le SAMU et aux urgences. Ils vont au bout du couloir. Tout au bout du couloir et ils vont transiter. Alors donc, par le SAMU, l'ascenseur, le patient arrive en salle de coronarographie. Bonsoir. Hop, est-ce que je peux allumer ? Bien sûr. Mmh. Alors, donc là, on est dans une salle de... Donc, la coronarographie, c'est des salles d'hémodynamique où on va réaliser un examen invasif d'injection d'iode dans les artères coronaires pour visualiser les artères coronaires, localiser une obstruction potentielle, la traiter, désobstruer l'artère ou réaliser des examens complémentaires pour identifier la cause de l'infarctus. Là, on est comme dans une sorte de salle de monitoring avec plein d'écrans. Voilà, il y a un monitoring, exactement. Le patient est installé sur cette table. C'est sous anesthésie locale où on va mettre en place un cathéter dans son poignet. Il a injecté de l'iode. En injectant l'iode, on va filmer cette injection et donc la diffusion de produits de contraste dans les artères qu'on va visualiser sur ces grands écrans. Et voilà, par exemple, l'imagerie endocoronaire d'un jeune patient. C'est l'imagerie par cohérence optique, tomographie par cohérence optique, où on met une petite sonde à l'intérieur de l'artère. C'est comme si on voyait un anneau éclairé. Voilà, donc l'anneau, c'est la paroi de l'artère. Et chez ce jeune patient, l'artère n'était pas totalement bouchée. Et il y a, on voit là ce que vous voyez, des petits débris. C'est un caillot, un thrombus. Dans la lumière de l'artère, qui n'est pas agrégats, on voit bien. Exactement. Et donc on voit précisément, et ces artères ne montraient pas à l'œil nu, on ne voyait pas d'obstruction, le sang circulait. Il fait combien de millimètres Là, le diamètre moyen, c'est 2 millimètres. Là, c'est un peu plus de 2,5. Mais le caillot Le caillot, la moitié, là, il remplissait la moitié de la lumière de l'artère. Et donc là, on a vu que le reste de l'artère était saine. Derrière, donc c'est ce que je vous disais, c'est pas une occlusion sur une artère pathologique avec la grosse plaque qui se rompt. L'artère est relativement saine, sauf à cet endroit où il y a formation de ce caillot et qui a bouché transitoirement l'artère qui a provoqué la douleur, donc l'infarctus. Donc ce patient, par exemple, on va pas mettre de stent, on va le traiter médicalement, le contrôler, essayer de comprendre le mécanisme de la formation de ce caillot. Voilà, exemple concret de prise en charge à l'hôpital Lariboisière à Paris des maladies cardiovasculaires chez les femmes. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Catherine Vidal? Oui, cela montre à quel point la prise en charge est extrêmement importante quand il y a une présence à l'hôpital pour suspicion d'infarctus. Et de nombreuses études ont montré, aussi bien chez nous en France que dans d'autres pays, que, hélas, les femmes appellent plus tard les urgences en cas de douleur, de suspicion de problèmes liés à l'infarctus. Et quand elles sont dans les services d'urgence, elles sont moins rapidement prises en charge par le personnel soignant. Et c'est vraiment un problème extrêmement important parce qu'il faut intervenir évidemment le plus vite possible. Et donc le résultat de tout ça, c'est que ce défaut de prise en charge va avoir des conséquences qui peuvent être délétères. D'où l'importance de campagnes d'information auprès des femmes pour leur expliquer qu'elles aussi peuvent faire des infarctus, et bien sûr une formation de tous les personnels soignants au fait que les femmes peuvent parfois présenter des symptômes un petit peu différents, bon, même si c'est pas l'immense majorité, mais enfin vraiment il y a un besoin de formation et d'informations qui est vraiment impératif. On va parler dans quelques minutes des moyens pour remédier à ce problème de biais de sexe et de prise en charge en fonction du sexe. Une réaction également peut-être, Muriel Salles, à ce reportage et à ce problème central qui est en tout cas l'un des exemples que l'on donne le plus souvent, qui est celui des maladies cardiovasculaires, mais il y en a d'autres qu'on pourrait citer par ailleurs si vous le souhaitez. Alors effectivement, c'est devenu un exemple, je dirais, canonique, oui. Quasiment, les maladies cardiovasculaires. Et simplement pour donner peut-être rapidement quelques petits chiffres, parce que Stéphane Monzo-Silbermann, que vous a interviewé, elle a mené une étude en 2018, par exemple, qui montre que les femmes appellent les urgences, enfin le SAMU en l'occurrence, 15 minutes plus tard que ne font les hommes, par exemple. Et ça m'évoque un autre travail qui est celui d'une sociologue qui s'appelle Muriel Darmon, qui a écrit sur les accidents vasculaires cérébrales et qui dit en fait que les femmes sont d'excellentes témoins de l'AVC de leur mari, alors que l'inverse n'est pas vrai. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a déjà une première série d'idées préconçues, de stéréotypes, je les ai évoquées tout à l'heure, qui sont en fait le fait des femmes elles-mêmes, enfin des patientes, quoi. Voilà, on ne s'imagine pas qu'on puisse être potentiellement en train de faire un accident vasculaire ou un infarctus. Donc là, c'est le premier niveau. Et là, il y a des enjeux de communication, effectivement, en santé publique. Puis après, il y a un deuxième niveau. Là aussi, Stéphane Monzo-Silbermann, elle l'évoque. Hein, quand on arrive aux urgences, on vous fait passer un ECG ou alors le SAMU vous fait passer un ECG. Là aussi, on a des chiffres. On sait qu'aux urgences, c'est moins de 30% des femmes qui passent un ECG dans les 10 minutes après leur arrivée, à symptômes équivalents, hein, alors qu'on propose un ECG à presque 40% des hommes. Donc là, c'est un autre niveau d'analyse, c'est-à-dire que là, les idées préconçues, elles sont le fait des soignants et des soignantes. Et là, pour la peine, l'enjeu, c'est pas les campagnes de communication, hein, c'est bien des enjeux de formation. Et puis, si je peux me permettre, un dernier point en rapport avec votre question de tout à l'heure sur les souris, il est question des produits de contraste qu'on injecte pour faire des examens en l'occurrence des angiographies. Bon, ces produits de contraste, on a des chiffres, hein, c'est la Haute Autorité de Santé qui a publié ça, ils ne sont jamais testés sur les femmes. Enfin, pour donner des chiffres globaux, aujourd'hui, on sait que 46% des participants à des études pharmaceutiques sont des femmes, donc les femmes sont bien incluses, mais il y a 0% de femmes dans tout ce qui concerne les études sur les produits de contraste. Il y a 76% de femmes, par exemple, dans tout ce qui concerne les thérapies en lien avec l'ophtalmologie. Alors, je pense qu'on conviendra que les yeux, c'est des organes qui sont assez bien répartis entre les hommes et les femmes. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne s'explique pas, en fait. Les produits de contraste dont on sait qu'ils peuvent, par ailleurs, déclencher des réactions allergiques extrêmement violentes et qui peuvent être extrêmement dangereux. Allez-y, je vous en prie, Muriel Salles, pardon, excusez-moi. Non, et là, pas de test. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a des... Quand on regarde au global, moi, je pense que c'est important de le dire, les choses ont beaucoup changé. Et positivement, et voilà, encore une fois, les femmes sont incluses dans les essais cliniques à 46% pour la France. Hein. Mmh. On n'est pas les mieux classés à l'échelle mondiale, mais quand même, on a beaucoup évolué. Il faut arrêter de dire qu'effectivement, on ne teste pas les médicaments sur les femmes. Non, ça a beaucoup augmenté ces dernières années, par ailleurs. Oui, tout à fait. Voilà, ça a beaucoup augmenté récemment, vous avez raison de le préciser. Mais après, voilà, dire en fait que la relation de soins, c'est un patient, une patiente, un soignant, c'est des techniques, et qu'en fait, à tous ces niveaux-là, il faut arriver à réfléchir, est-ce qu'il y a du stéréotype, est-ce qu'il y a des représentations de ce que sont les hommes et de ce que sont les femmes, est-ce que ces représentations sont légitimes ou est-ce qu'elles ne le sont pas, est-ce qu'elles me permettent de mieux soigner ou au contraire, est-ce qu'elles m'empêchent de mieux prendre en charge les personnes que j'ai à prendre en charge. Et pour conclure sur ces maladies cardiovasculaires, ce que je trouve aussi très très parlant, et je vais vous demander de commenter ça l'une et l'autre, c'est que sur les questions donc du sous-diagnostic, ça a été abordé, on en a parlé dans le documentaire, mais on a aussi mis en cause beaucoup la question de la ménopause. Or, pour régler les affections qui sont liées à la ménopause, on a beaucoup prescrit et pendant longtemps des traitements d'hormones substitutifs. Or, on ne s'est rendu compte que très récemment que ces traitements d'hormones substitutifs étaient des facteurs aggravants pour ces mêmes maladies cardiovasculaires et notamment pour les accidents vasculaires. Donc, on voit bien là aussi qu'il y a un défaut de prise en compte et de prise en charge et de prise en considération globale d'un certain nombre d'effets secondaires qui finissent par provoquer un effet avalanche, un effet boule de neige, Catherine Vidal. Oui, c'est à nouveau, on est sur cet exemple des maladies cardiovasculaires et aussi sur le fait que on a très longtemps mis en avant les aspects hormonaux. Parce que comme en moyenne les femmes font des accidents cardiovasculaires environ 10 ans plus tard que les hommes, c'était jusqu'à longtemps la période effectivement de la ménopause, et donc on pensait bon. Les femmes sont protégées parce que les estrogènes, effectivement, ont un effet protecteur par rapport au dépôt de cholestérol dans les artères. Mais en fait, avec les modes de vie qui se sont de plus en plus égalisés, les femmes travaillent, elles sont stressées au travail, elles fument, elles consomment aussi de l'alcool, eh bien, ce qu'on observe, c'est une incidence extrêmement importante. Il y a une augmentation de 25% des infarctus, donc chez les femmes jeunes de moins de 50 ans. Et à ce moment-là, il faut cesser de mettre en avant l'hypothèse hormonale. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut absolument vraiment concevoir des nouvelles hypothèses de recherche, des hypothèses de travail, pour essayer de comprendre pourquoi maintenant les femmes jeunes font des infarctus. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin justement de tout le travail qui vient des sociologues, de tout ce qui est sciences humaines et sociales, et qui nous permettent de comprendre que les femmes, leur santé est le reflet aussi de modes de vie avec une société qui évolue. On va continuer, puisque maintenant ce constat il est posé, encore une fois on s'est attardé un peu sur les maladies cardiovasculaires, mais je vous renvoie via notre fil Twitter aux nombreuses émissions que nous avions consacrées ça et là à ces problèmes d'inégalité dans le traitement médical d'un certain nombre de pathologies. On peut citer notamment également les pathologies psychiatriques ou les troubles du spectre autistique, bref tout ça a fait l'objet d'un certain nombre d'études. Maintenant il est temps de passer aux recommandations. Comment est-ce que l'on fait pour sortir de cet état de fait, pour finir par enfin quitter ce biais de traitement entre les femmes et les hommes face à la santé et à la médecine? On en parle dans quelques secondes musicales. Un choix intéressant de notre réalisatrice Hélène Trigueros, Gender du groupe Orgie à 16h45 sur France Culture. Oui, je me dédouane un peu quand même. Nous parlons donc de genre et d'inégalité de genre en médecine et en santé en compagnie de Catherine Vidal qui est neurobiologiste, directrice de recherche honoraire à l'Institut Pasteur et membre du comité d'éthique de l'INSERM et Muriel Salle, maîtresse de conférence à l'Université Lyon 1, historienne agrégée et docteur en histoire contemporaine. Vous avez tous deux travaillé sur ce rapport, prendre en compte le sexe et le genre pour mieux soigner, un enjeu de santé publique remis au Haut Conseil pour l'égalité entre les femmes et les hommes il y a quelques mois. Alors, eh bien, Catherine Vidal, ce rapport, on a fait le constat. Quelles sont les solutions? Quelles sont les solutions qu'il préconise? Déjà, qu'est-ce qu'il va devenir? C'est-à-dire, est-ce qu'il va être traduit en termes de santé publique? Est-ce qu'il va être mis en œuvre par, bon, c'était l'ex-gouvernement, espérons, par la nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon? Oui, nous avons fait dans ce rapport un certain nombre de recommandations, il y a en total une quarantaine, mais avec un certain nombre de recommandations phares, parmi lesquelles il y a tout d'abord, c'est prioritaire, la formation. La formation, justement, à prendre en compte la notion de genre, bien sûr alliée à celle du sexe, ce qui va permettre donc de mieux soigner. C'est vraiment la santé publique, c'est ça. Hein. On veut mieux soigner et éviter les discriminations dans l'accès aux soins et la prise en charge médicale. Et donc pour cela, il faut former. Alors former, ça veut dire formation initiale auprès des étudiants. Ce n'est que très... Enfin, il y a encore... En tout cas chez nous en France, comparativement à d'autres pays, on est vraiment en retard dans la formation des étudiants sur les questions genre et santé. Il faut aussi bien sûr faire une formation continue des professionnels de santé. Et de toute façon, ça concerne non seulement les médecins, mais aussi tout ce qui est profession paramédicale. Donc ça, c'est un effort qui doit être vraiment soutenu par les pouvoirs publics. Ça ne peut pas se faire tout seul. Bon, il faut également des campagnes d'information auprès d'un large public pour justement essayer de déconstruire tous ces stéréotypes sur les maladies soi-disant purement masculines ou purement féminines. Et dans toute cette démarche-là, il nous faudrait, et hélas, on n'en est pas encore là, un institut, un nouvel institut de recherche public dédié précisément à la thématique genre et recherche en santé. En France, on n'en a toujours pas. Ça existe en Europe du Nord, ça existe en Amérique du Nord. Et nous, on est encore un petit peu à la traîne sur ces questions-là. Un institut français genre et santé qui est préconisé dans le rapport. Oui. Muriel Salle, quelles sont alors la formation? Bien, évidemment, on a envie de dire que c'est traditionnellement le point de départ, hein, la racine de tout. Il faut évidemment mieux former et puis surtout pointer l'existence de ce biais auprès des étudiantes et des étudiants en médecine et en santé pour pouvoir le dépasser. Mais au-delà de ça, est-ce que il y a aujourd'hui des actions concrètes? Est-ce que on parlait par exemple des essais cliniques où le taux de participation de candidates femmes a augmenté et s'approche des 50%, donc il y a des efforts qui ont été faits. Est-ce que vous voyez d'autres pistes concrètes qui peuvent être engagées pour permettre de dépasser une fois de plus ces inégalités? Alors d'abord, je crois que la première chose, puisque vous évoquez cette amélioration quand même importante dans un passé récent, dire que ces améliorations, elles sont le résultat d'une prise de conscience politique, mais que cette prise de conscience politique, elle est le résultat elle-même d'un militantisme, d'un engagement, et de travaux qui sont anciens. J'ai évoqué tout à l'heure la critique féministe de la médecine qui datait des années 70. Bon, et donc du coup, là, je crois important, effectivement, Catherine Vidal l'a un peu dit, de donner toute leur place aux sciences sociales en matière de santé, parce que elles permettent, de mesurer que les individus, quand on les soigne, c'est de la complexité. Et par exemple, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, quand on parle de maladies cardiovasculaires, en fait, on mélange deux choses qui sont le sexe et le genre. Et là, pour la peine, peut-être, si vous me permettez, parce que moi, c'est une recommandation à laquelle je tiens beaucoup. J'allais y venir. Je crois que c'est important d'expliquer ce que c'est que le sexe, ce que c'est que le genre, et expliquer que c'est deux notions qui ne sont pas concurrentes. Il n'y en a pas une qui a vocation à remplacer l'autre, hein, mais que c'est deux concepts qui sont des concepts qui sont en fait complémentaires en matière de santé. Alors, pour repartir de l'exemple que vous donniez tout à l'heure, maladie cardiovasculaire, bon, quand on dit les femmes bénéficient du rôle cardioprotecteur des œstrogènes, bon, ça, en fait, ça, c'est du sexe. Le sexe, c'est ce qui relève de la biologie, ce qui relève de la nature. C'est un ensemble, je dirais, d'éléments anatomiques et physiologiques qui déterminent votre appartenance à une catégorie, catégorie homme, ou à une autre catégorie qui est la catégorie femme. Bon, ça, c'est la définition de base du sexe. Et pour le dire d'un mot, en fait, quand on fait un peu d'histoire de la médecine, on se rend compte que tout le monde croit savoir ce que c'est que le sexe. Ça a l'air d'être simple de dire, voilà, ça c'est un homme, ça c'est une femme. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je dis un peu toujours les choses de manière humoristique avec mes étudiants et mes étudiantes. Je leur dis, si c'était simple, ça ferait longtemps qu'on aurait conclu sur le sujet, alors que, grosso modo, ça fait 150 ans qu'on continue de se poser la question de savoir ce que c'est la différence entre les hommes et les femmes. Mmh. Alors, on a cherché au niveau des cerveaux, on a cherché au niveau des organes, on a cherché au niveau cellulaire, hormonal, chromosomique, génétique. Aujourd'hui, on en est à ce niveau-là. Et en fait, ce qu'on constate en matière de sexe, c'est que plus on cherche, moins on trouve. C'est une formulation un peu rapide, mais en fait, ce qui est intéressant de relever, c'est que les différents niveaux de définition du sexe, par exemple, ce qu'on est au niveau génital, on va dire vagin ou pénis, par exemple, ça peut être différent de ce qu'on est au niveau chromosomique. Et dans ces discordances qu'il y a entre les différents niveaux de définition du sexe, on voit apparaître de la complexité. Et bon, donc du coup, voilà, le sexe, c'est de la biologie. Une fois qu'on a dit ça, on a dit des choses rapides et on rend pas tout à fait justice à la diversité des variations du développement sexuel qui peuvent exister. Mais ça, je ferme cette parenthèse. Mmh. C'est très différent du genre. Le genre, c'est, pour reprendre l'exemple de la maladie cardiovasculaire que vous évoquiez tout à l'heure, quand Catherine Vidal dit « aujourd'hui, les femmes présentent des maladies cardiovasculaires parce que tabagisme, stress, sédentarité », tout ça, ça n'a rien à voir avec le sexe. Les œstrogènes sont bien toujours là. Mais c'est une question de mode de vie, effectivement, et être une femme aujourd'hui, c'est compatible avec le fait de fumer, par exemple, ce qui était quand même tout à fait scandaleux il y a encore quelques décennies. Bon, donc ça, c'est le genre. Le genre, c'est souvent, on dit un sexe social, voilà. Simone de Beauvoir disait « on ne naît pas femme, on le devient ». C'est un peu une autre façon de résumer ce que c'est que le genre. Mmh. Mais ça, c'est un peu le niveau zéro, je dirais, la définition du genre comme catégorie. Moi, je trouve que c'est intéressant de pointer aussi que le genre, c'est un système. Alors, la définition, elle est compliquée. Je vais peut-être vous l'épargner. Mais ce qui est intéressant, c'est de retenir que, en fait, le genre comme système, ça veut dire qu'on a des cadres intellectuels dans lesquels on pense ce que sont le masculin, le féminin, les hommes, les femmes. Il y a deux caractéristiques à ce système de genre. D'abord, c'est un système qui repose sur la bicatégorisation. Il y a deux catégories. Il y a les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Or, on voit que d'abord, ce n'est pas toujours si simple, premièrement. Et ensuite, on voit aussi que ces catégories, elles ne sont pas homogènes. Et il va de soi que, par exemple, une femme des classes populaires ou un homme des CSP sup auront des problématiques de santé qui ne seront pas les mêmes, mais que des femmes CSP sup ou des femmes des catégories populaires non plus. Donc, mais la bicatégorisation, le fait qu'on pense toujours sur le mode du 2, produit une espèce de fausse homogénéité. Bien sûr. Qui souvent se traduit par le fait qu'on dit la santé de la femme ou de l'homme, mais la femme, ça rend particulièrement compte de cette homogénéité qui est un problème, en fait, qui fait qu'on ne voit pas la complexité, la diversité des situations. Et puis la deuxième chose, c'est la hiérarchisation. Je termine là-dessus. Oui, allez-y, je vous en prie. Voilà, c'est-à-dire que vous avez dit, le masculin l'emporte. Le masculin, c'est la norme, le masculin, c'est le standard, ce qui va faire que, par exemple, les symptômes féminins, ils sont atypiques ou non spécifiques. Et donc, du coup, là aussi, c'est préjudiciable en termes de production de savoir, en termes de diffusion de savoir et en termes de pratique médicale. Donc moi, je crois, effectivement, on s'accorde à dire qu'il faut former. Je crois qu'il faut former en assumant vraiment de dire qu'on a besoin de ces deux concepts qui sont le sexe d'une part et le genre d'autre part, et que c'est pas du tout des concepts concurrentiels. Oui. Parce que le genre, souvent, c'est un peu assimilé en sciences sociales, on va dire à des savoirs moins dur, moins, peut-être moins moins solide. Et par ailleurs, le genre a fait l'objet d'un usage politique qui a été préjudiciable à ce concept qui vraiment produit des choses intéressantes en termes d'innovation et de santé. Et puis on voit aujourd'hui que précisément le genre ne se définit plus dans une stricte binarité, qu'il y a des gens qui se déterminent de non-genre ou qui revendiquent le droit de ne pas appartenir à cette catégorisation-là. Mais c'est une autre émission passionnante, mais ça n'est pas exactement celle que nous faisons aujourd'hui. Donc pour revenir, mais ce qui est intéressant, c'est que néanmoins, ce que vous pointez, Muriel Salles, ça conduit à des concepts qui sont encore très, très étrangers chez nous en France, mais qui se développent de plus en plus, notamment bien dans les pays anglo-saxons, en Amérique du Nord, dans les pays du Nord de l'Europe. On parle de médecine genrée, de gender medicine. Alors on sait aujourd'hui particulièrement, alors c'est difficile parce qu'il nous reste peu de temps pour en parler, mais que ce mot genré aujourd'hui, c'est un peu un repoussoir politique en France, c'est un repoussoir social, ça fait peur à beaucoup de gens, on a l'impression que derrière, que c'est un faux nez pour tout un tas d'idéologies mortifères, on va pas rentrer dans le détail, mais bon, néanmoins, c'est aussi, comme vous le définissiez, Muriel Salles, une réalité. J'aimerais un mot là-dessus, est-ce qu'il faut aujourd'hui réussir à faire comprendre à nos concitoyens, que la médecine genrée, c'est nécessaire justement pour abolir cette différenciation, pour en finir avec une conception androcentrée de la médecine, que c'est ce vers quoi il faut tendre? Définitivement oui, encore une fois, en redonnant toute sa légitimité à ce concept qui est éclairant, parce que je crois qu'il faut le dire de manière assez forte, ça n'a rien de scandaleux de constater ce qu'on constate dans des situations extrêmement diverses, qu'il y a entre les hommes et les femmes non seulement des différences, mais aussi des inégalités. Et qu'en l'occurrence, les inégalités sociales de santé, tout le monde s'accorde à reconnaître qu'elles existent et à constater que, je le disais tout à l'heure, par exemple, l'espérance de vie d'un ouvrier n'est pas l'espérance de vie d'un cadre. Et bah, dans les différences d'espérance de vie qu'il peut y avoir entre hommes et femmes, dans le fait qu'il y a des prévalences augmentées pour certaines maladies chez les femmes plutôt que chez l'homme ou inversement, c'est pas scandaleux de dire que certainement, la biologie y est pour quelque chose, mais aussi les conditions matérielles d'existence y sont aussi pour quelque chose. Catherine Vidal, pour conclure, il nous reste peu de temps. Vous plaidez aussi, vous, pour l'apparition d'une médecine genrée, qui soit une médecine qui permette précisément, on n'a pas dit un seul mot, et pourtant il faudra en parler, notamment par exemple de la problématique de l'endométriose, du fait qu'il a été normal jusqu'à il y a quelques années encore qu'une femme sur trois ou une femme sur quatre soit pliée en deux pendant trois jours pendant qu'elle a ses règles, que cette maladie décrite en 1860 rentre dans le code de la santé publique en 2014. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est pour en finir finalement avec ces vieux restes d'une histoire de la médecine inégalitaire? Oui, l'exemple de l'endométriose est tellement flagrant, à savoir que c'est dans les années 90 que cette pathologie a été vraiment reconnue sur le plan organique, et que ce n'est seulement qu'à partir de 2019, donc 20 ans après, même plus, il y a eu un plan national pour former et lutter contre l'endométriose. Donc vraiment, il y a un temps de latence inadmissible par rapport à la reconnaissance d'une maladie organique qui touche les femmes, et en fait, la parole des femmes n'était pas entendue. Mais je voudrais, pour terminer, vraiment insister sur un autre point. Dans les inégalités de santé, qui dit inégalité de santé, ça veut dire discrimination dans l'accès aux soins et la prise en charge médicale, il y a la précarité économique. Or, les femmes sont les premières victimes de la précarité économique. 80% des travailleurs pauvres sont des femmes, les familles monoparentales. Un tiers des familles monoparentales vivent en dessous du seuil de la pauvreté, et cela a pour conséquence un renoncement aux soins, donc c'est gravissime, et évidemment accompagné d'une très mauvaise hygiène de vie, avec en conséquence diabète, dépression, maladies cardiovasculaires, etc. Et en plus, il y a le problème des violences, dont les femmes sont les premières victimes, avec des conséquences sur la santé physique et mentale. Donc vraiment, cette prise en charge, cette prise de conscience des facteurs socioculturels et économiques est indispensable. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Catherine Vidal, merci beaucoup Muriel Salles, merci à toutes les deux d'être venues nous parler de ces différences de prise en charge entre les hommes et les femmes. Mais Muriel Salles, on peut vous lire, vous avez préfacé l'ouvrage de l'urgentiste Alison McGregor, Le sexe de la santé, c'est paru en septembre 2021 chez RS. La méthode scientifique, c'est Céline Lozen, Amel Boucherka, Antoine Beauchamp, Mariam Ibrahim, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Hélène Trigueros à la réalisation, Anthony Thomasson à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en réécoute et en podcast sur l'application Radio France, sur franceculture.fr et ce à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire. Acquired immune deficiency syndrome, or AIDS, le syndrome d'immunodéficience acquise, le sida, est une maladie qui touche les homosexuels. Mécanique des épidémies, collection de podcasts originaux de France Culture. Il apparaît au printemps 81 en Amérique du Nord. En 82, la maladie est désignée le sida. L'émergence d'une nouvelle pandémie, sa véritable origine, sa diffusion planétaire, les leçons que l'on peut en tirer. Mécanique des épidémies, saison 2, le sida, par Renaud Piaroux, sur franceculture.fr et l'appli Radio France.